Quand la plaie s'est enfin retirée, quand la vie reprend doucement, tu appelles celui qui fut blessé à revenir devant le camp. Deux oiseaux dans le vent du matin, de l'eau vive sur le bois léger, et le sang qui parle du chemin où le cœur peut être lavé. Ce qui était loin revient, ce qui était lié se détache. Tu ouvres à nouveau la main, tu relèves ce qui se cache. Tu restaures les vies brisées, tu relèves ceux qui ont chuté. Tu fais d'un rejeté un témoin de ta bonté. Tu restaures les vies brisées par ton pardon, par ta clarté. Et ceux qui étaient morts, sur l'oreille, sur la main, sur le pied, l'huile descend. Pour entendre agir, marcher selon ton cœur maintenant. Dans la maison, dans les murs, tu inspectes jusqu'au fond. Tu enlèves ce qui est impur pour que la paix reprenne son nom. Même ce qui semblait contaminé peut-être guéri par ta voix. Tu fais tomber les murs cachés et tu rebâtis sous ta loi. Témoin de ta bonté.